Oui, bonjour, bonsoir, mes chers amis. Oui, bonjour, bonsoir, merci. Merci, je pense que vous allez bien. Pourquoi est lundi? Et pas en binon, en Europe, en Afrique. En Tongo, il y a Amérique. Et puis, 23h, 24h, Nanga, Moyazi, Japon, Corée. Merci pour la peut-être dérangement ce soir, pour la Lélo. Tobanoya, toujours, on dérange toujours. Hein, Tobanoya. Les alliés, situation toujours. Il y a un beau cannabis, il faut tomber là. Ce qui est bon, il y a un titre, il y a YouTube. Kagame, Félix et Fayoulou. On promet aujourd'hui Tokozala Moulaï Penzate. Tout le Bélanan au Batouana Kagame parce qu'il vient de réagir. La situation, il y a mapping, rapport, il y a mapping. Et puis, cela implique Félix. Parce qu'il y a un peu engagé au cannabis. Et puis, Fayoulou, ce qui se passe dans Katikuna. Oui, bonjour, mon cher ami Maître Gino Will. Merci d'être là. Merci beaucoup. Et voilà les trois points autres au Mekakolobela. Poto Banda avec Kagame. Boyebi, Natango Banungu, Nungwe Kagame est mort. Bamsouba fait passer comme déjà mort, clinique. Bamsouba Lobi, Basiba Kundaye, Bamsouba Lobi. Congolais toujours spéculation. Même si vous allez couper, ça va Congolais information. Congolais Hollanda yote, Congolais azali spécialiste na ba spéculation. Même si la bonne information est là, même si bayebi ke a batu oyo soki baye d'information, ezalaka toujours vrai. Congolais Hollanda yote, Congolais lui azali toujours muta ba spéculation. Kutu bakunda ye na Grande-Bretagne, bakunda ye kutu na États-Unis, bakunda ye na village na ye. On est sorti pour vous dire non, écoutez, Kagame n'est pas mort. Kagame, depuis un certain moment, a adopté la stratégie nord-coréenne. Il y a que l'imwa, mouké, pour n'a koye, baba nani, bazo comploté contre yé, bakanga kanga bango. Nalobaki, y a mon vidéo. Nalobaki, j'avais dit que Kagame a koufité Kagame à Zali, à ça, a toujours ma stratégie ouana. Et vous remarquerez qu'à tout moment, si Kagame revient à Yekobima, il y a toujours des arrestations à Rwanda. Nalobaki toujours. Toye a, toye bisi bino ke, bato bazo koufa na présidence, bazo koufa na corona te, bazo koufa na poison. Tolobaki, mouta zo bon bango na poison, c'est Kamere, Kabila qui utilise Kamere. Bato ba ndimi bisote. Kamere a été en prison, Batoubazo Koufa soutenir la présidence. Mais quand même, Hermoba Congolais, tout ça a un courage, on peut se faire un trophée. Que oui, Ndeko, en tout cas, dans ma cambo, Oyo, on peut se faire vraiment une vraie information. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui se réalise. Les Congolais n'ont rien bité. Alors, Kagame est ressuscité. Aye kobi mana cachette na ye parce que to cheye mulungé. To cheye mulungé par protection en de konabiso docteur Denis Mukwege. Et puis pression wana est impliquée directement, automatiquement, les rapports mapping. Oui, mais Kagame même Azali na comment? À l'agonie. Ce qui est un peu de temps, il y a un rapport mapping. Kagame Rolamouka. Parce que et loco, mon côté est dérangé à Kagame plus que le rapport mapping. Bolani déclaration, il est sorti. Déclaration, ils allaient toujours. Négationnisme accueilli plus loin. À l'objet, na Congo, non, à l'objet, il n'y a pas de mort sans tombeau. Juste ça, c'est prendre le monde comme des idiots. Moi, je travaille pour les réfugiés. Et loco moko, oui, tchakanga, toujours na conflit na HR. Ezali, disparition. Il y a 20 000 réfugiés Hutu Rwandais, na kan ya Tingi Tingi, au Congo, au Zaïre, à cette époque. À tout moment, ce qui est tourné, que soit dans l'officier, il y a HR à Genève. Ce qui est un vrai ami, pardon, dans l'église Moussala Nangaï continue. Ces dossiers, et qu'on a poussé à perdre Moussala Nangaï. Quand Kagame demande, questionne, qu'il n'y a pas de mort sans tombeau. Ce qui est dans le monde, c'est le monde là-bas, Dieu. Nous savons, par exemple, quand un groupe Wana, il y a Batounaï, il y a concitoyens, Rwandais, Hutu, les réfugiés rwandais, quand il y a réfugiés à Tingi Tingi, il y a une opération, na front, na tango Afde, les Obunsa contre Mobutu. Les commandants, il y a Front One, Zalaki James Kabarebe. Les commandants adjoints, c'était les commandants Hippo. C'est lui que vous appelez Joseph Kabila. Natango Babomi, le 20 000 réfugiés Hutu Rwandais, na kan ya Tingi Tingi, Babouaka Bakor na bango na mai. Alors, quand Kagame pose une question qu'il n'y a pas de mort sans tombeau, c'est vrai, Moutou à Kagame, ils ont sous-malamouté. C'est un idiot. Parce que ce n'est pas tout mort qui a un tombeau. Où est le tombeau de Lumumba? Tombo ya Lumumba ezali wapi? N'est-ce pas un mort sans tombeau? Les 20 000 réfugiés Hutu Rwandais au Zaïre, au Congo à cette époque, il y a quand il y a Tingi Tingi. Quand vous jetez leur corps na mai, tombo na bango ezali wapi? Je pense que parmi mes premières vidéos, je vous avais dit que oui, le génocide rwandais a existé. Et dans l'Oberango toujours, le génocide rwandais existe, a existé, mais Qu'est-ce que le Rwanda a fait? Boyebi ke ce qui botuni Félix a koyebi Sabino. Ngara kenda na museum ya Rwanda te. Et si ka bazwa ba reste ya batu ya mikwa ya batu ya génocide ya Rwanda. Qu'est-ce que Kagame a fait? Bien que y a eu génocide Rwanda, Kagame a déterré les corps ya batumso les Rwandais na ba cimetière oyo exista avant génocide. Ils ont déterré ces cimetières basé par corps, des squelettes ya batuana et ils ont déposé ça na museum na bango. Avec les génocides congolais, il y a eu trafic des squelettes na est ya mboka na biso ya Congo vers le Rwanda. En catimini, ces Rwandais qui avançaient avec Laurent Désiré Kabila, il y avait un groupe qui était spécialisé, il y a kozwa besquelette, il y a batou. Bakende nango na Rwanda, des crânes. Bakende nango na Rwanda, pour na augmenter le nombre ya ba crânes na museum na bango. Et c'est normal, il ne faut pas s'étonner quand aujourd'hui Paul Kagame vous demande, il n'y a pas de mort sans tombeau. Parce qu'il sait très bien qu'il a déterré beaucoup de tombeaux au Congo. Parce qu'il sait très bien qu'ils ont jeté beaucoup de corps dans la main. Et Paul Kagame continue. Il dit, bah mort ya Congo, il se contredit d'ailleurs, parce que d'abord, il questionne, il n'y a pas de mort sans tombeau, comme il n'y a pas de tombeau, c'est qu'il n'y a pas de mort. Et par la suite, il se contredit, il dit, bah tu oyo bazali, ko bomana, ko bazali ko koufa na Congo, ce sont des Congolais bazo boma bango. Problème de logique. Et Kagame Ayeko, je pense qu'il a suivi notre vidéo. Il y a avant-hier. Kagame dit ba Congolais, ba Tubazali, ba responsable, il y a pauvreté na bango, il y a malheur na bango. Ezali ba Congolais, batu bazali koboma ba Congolais. Ezali ba Rwandais. Et il donne un exemple récent. Kagame dit Bolandi na Bunia. Kagame explique Kodeko ezali ya ba Rwandais. Kodeko et Zali ba Congolais. Ce sont des rebelles congolais. Ce sont des rebelles congolais. Et Kagame dit Tomoni na Bunia, comme je l'ai dit dans la vidéo avant-hier, Tomoni na Bunia. Ba rebelle au Bazali recherché par l'armée congolaise, Babimi, baye na ville ya Bunia, et Tomoni Bango, bazongisi Bango na Zamba, par l'armée congolaise. Kagame question, est-ce que au Bazali ba Rwandais? D'une part, j'ai donné raison à Kagame sur ces points-là. Ce qui est logique, il y a Kagame. Il y a Konyé, un massacre dans le Congo. Vous allez comprendre que c'est Kagame qui a incliqué dans la tête de Félix négationnisme. Il y a un massacre, il y a Congo. Ce que Kagame a fait, c'est ce que Félix dit. Que ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas l'Ouganda, ce n'est pas le Burundi. Oyo ezali koboma bato na Congo. Atako tu tribunal yango. Tribunal spécial pour le Congo oto ezali kosenga. Ba element mususu oyo ba juge. Ba kozala nango besoin, il faut outa. Na gouvernement ya Congo. Parce que batu o bazali ba massacrer ce sont des Congolais. Gouvernement ya Congo, il faut appeler ça ba élément moussousou. Na ba juge, s'il y avait tribunal spécial pour les Congo. Mais ce même gouvernement congolais donne déjà son point de vue que le Rwanda n'est pas responsable, l'Ouganda n'est pas responsable, le Burundi n'est pas responsable. Mais Félix a bossani que l'Ouganda doit au Congo 10 milliards de dollars américains. Ouganda ba somba biloko na Congo te ba futa mbongo te. Ouganda ba defa mbongo te na Congo. Oye bazobo ya kozongisa. L'armée ougandaise, l'armée rwandaise. Ba bima na bamboka na bango, Rwanda azui ba militaire, aye na bango na Congo. Ouganda aye na azui ba militaire, aye na bango na Congo. Ba bundi na kati ya Congo. L'Ouganda et le Rwanda ont utilisé le Congo comme champ de bataille na bango. Et pourtant, les deux pays bazali la frontière. S'il y a un problème entre les deux pays, il faut pas bounda la frontière na bango. Mais ils ont déplacé leurs armées, rentrées au Congo, bounda na Congo. Ils ont tué, ils ont détruit. Voilà pourquoi l'Ouganda a été condamné de payer ba dommage na Congo, na batu oyo ba bomba, na ba destruction ba sala, 10 milliards de dollars américains. Et la question peut-être bande comme ça kotuna, Ouganda na Rwanda ba bunda na Congo, pourquoi seulement l'Ouganda qui a été condamné par le Rwanda? Le Rwanda n'a pas été condamné parce que le Rwanda ne fait pas partie. Il y a instance OEJ qui problème wana. Le Rwanda ne fait pas partie. Parce qu'il faut juger Bamboti. L'Ouganda et le Congo font partie. Voilà pourquoi l'Ouganda a été jugé, a été condamné. 10 milliards. Alors, si le Rwanda faisait aussi partie, le Rwanda serait aussi condamné de payer ma dommage. Il y a 10 milliards de dollars. C'est-à-dire, nous avons 20 milliards de dollars américains. Oyo, les deux pays, il faut bafouta. En ce qui concerne l'Ouganda, Bajige Bazalaki prêt pour finaliser Makamonioso, discuter sur modalité à Kofuta Mbongoana, ce qui Ouganda a foutu, instance internationale, et aider Congo pour saisir le fonds, il y a Ouganda. de forcer l'Ouganda à payer les 10 milliards de dollars américains. Qu'est-ce qui s'est passé? Félix se déplace, il va en Ouganda, il rencontre Museveni, il dit à Museveni, protège-moi. Ngai na kobosa na Congo kobosa na 10 milliards au if bo pesa biso. Bande ko ezali black te quand nous venons. Soli to zali ya avec Kanda Kolobela makambu ya idiosi ya Félix. Il va en Ouganda. Ba vidéo ezali na YouTube boko mo yango ba déclaration. Ba juge na Europe surpris. Ba fixé jour ya audience. Au lieu ba mona ba parti acquisé ba témoin ba tunyo so baya. Ba juge ba zomona une lettre commune signée entre l'Ouganda et le Congo demandant na ba juge ba sursoir makambouana. Mondele akamwe. Un président Oyaouti qui a pouvoir à lui Kabila a volé, Kabila a détruit. Kabila n'a rien laissé na caisse. Un président Oyo a eu avion presque chaque semaine. Pour n'a pas l'ouka ben investisseur, parce que mbongo ezate. Or, ben investisseur, ce qui baye, ben mbongo na bango, ou bien ba aide ce qui baye pour pesa bino. En réalité, Babé Ngango aide, mais sur Talibien, ils allaient aider. Ils allaient prêt. Il faut besoin qu'ils savent avec intérêt. Mais nous avons 10 milliards de dollars. Oyo Ouganda, il faut. Dans le bien, il faut. Dans l'impératif, il faut appeler sa bisso. Président Oazali Mwana Yamboka. Président Oazali Beton. Président Oazali 37 ans na lit na opposition pour lité pour na état de droit. Pour na droit ya pays na biso. Président Oazali Mwana d'un opposant à radical. A koki jamais qu'on négligeait 10 milliards de dollars. A kende kobon de la 1 million de dollars na France. Akende kobon de la 1 milliard de dollars na FMI, akende kobon de la na Belgique, et pourtant nous avons 10 milliards de dollars. Instance wana soke koki ko jige Rwanda te, ben instance monsieur soke koki ko jige Rwanda ezali. On peut amener cette histoire na ba instance africaine poussée pour que le Rwanda aussi soit condamné de même comme l'Ouganda et payé 10 milliards de dollars au Congo, nous avons na effectif na biso, na actif na biso, je voulais dire, 20 milliards de dollars américains. Eh bien, voilà l'idiot national. Il va en Ouganda négocier sécurité naïe. Est-ce que ça ce sont des questions que moi je me pose connaissant Batou Oyo Bazali la cercle de Félix ce sont des chekoulers Yemoko Félix chekoulers Agathe Green na loti na lota pamba pamba te ça c'est vrai. Mais ce qui n'a l'autre, et ça, le coup, là, une réalité dans mon avant. Ce qui n'a l'autre, c'est ce qui se fait. Dans l'autre, un groupe de conseillers de Félix aurait négocié avec des chekoulers ougandais. Pour que l'Ouganda ne paye pas au Congo 10 milliards de dollars, ils auraient réduit ces montants et bah passé l'écriture. Bah, tu as Uganda, bah, tu as na ba poche na bango, bah, ministre, na ba conseil ya Museveni. Et na moni mwana ya Museveni na tête, ya ndoto wana. Mwana ya Museveni qui aurait négocié avec des conseillers de Félix pour que bah négocier mbongo wana en Ouganda, on passe des écritures que oui, l'Ouganda a négocié avec des Congos en Tibisso. Mais dans l'instance où est Jija Kibango, bah, le bateau s'il soit à faire, ce n'est pas leur problème. Mais Bissau, entre les Congos et l'Ouganda, négocions à l'amiable. Bah, réduire le Mongo. Alors, bien en Ouganda, na tête, moi, na Museveni, Bocha na poche, Bissau pe Félix, na ba conseiller à Félix, Bocha na poche. C'est possible. Parce que, en tout cas, on a la confiance dans le ton. C'est fort possible. La réaction de Kagame. Kagame a réagi hier. Le lobby, il fallait le gouvernement de Félix réagisse. Nzambi. Comme toujours, silence total. C'est-à-dire, Félix et Sikazali, Azaku Titila, Azo voit Vila, parce que chef à lobby, et Kagame va plus loin en menaçant. Il y a corrompre la relation entre les relations diplomatiques entre les Congo et les Rwanda. Est-ce que nous avons besoin, les Congolais, ont besoin de normaliser ces relations pour le moment. Je l'ai dit souvent que l'Ouganda, pardon, le Rwanda et le Congo, tozali ba voisins. Personne ne peut déplacer le Rwanda, ba memayango en Amérique, ba memayango wapi, personne. C'est-à-dire que le Rwanda restera pour toujours voisin du Congo. Mais, un voisin trouble fête. Un voisin qui nous détruit. Un voisin qui nous massacre. Un voisin qui nous viole. État de droit signifie justice. État de droit signifie droit de l'homme. Je ne sais pas ce qui Félix attend, déclaration universelle des droits de l'homme. Kagame, ma déclaration n'a pas menacé à aucune relation diplomatique. Comme si les Congos avaient besoin de ces relations diplomatiques et se normaliser dans un moment où. Yo. Avant de normaliser nos relations diplomatiques avec les Rwanda, la justice doit être faite. Les droits de l'homme d'abord. La justice d'abord. Vérité d'abord. Vous allez voir que justice, droit de l'homme, vérité, excusez-moi, vérité, ce qui est l'équipe à étape one, on peut maintenant penser comment normaliser nos relations. Parce que les Rwandais nous doivent. Nous, on ne doit rien au Rwanda. Les Congos ne doivent rien au Rwanda, mais les Rwandais nous doivent. Alors, pourquoi la normalisation des relations précipitées? Parce que Kagame en a besoin. Kagame a besoin, Parce que j'ai dit dans une des vidéos, parce que tu répètes toujours, pour toi, qui est bisous à Congolais, ton boss n'aura pas ma panda. La venue de Félix, la signature, il y a un beau cannabis, et Zalaki, une fête pour na Kagame. Parce que Nabiso na Congo batoki parate, les Rwanda, ils adoptent un système, une stratégie européenne, américaine. Yakolande la bato oyo bazali ko diriger na bamboka nzinga nzinga bazali banani, comportement na bango. C'est ça le pays. Moutou nyonso azali na opposition. Le Rwanda ba étudia kabango. Fayulu est comment? Il se comporte comment? Alinga kolia nini? Azala kamingi wapi? Atambola gana nani? Quel est ce parti politique au Congo, même le gouvernement congolais, qui s'occupe à Yeba? Qui sont les opposants rwandais? Ba nani oyo bazali ko diriger Rwanda? Ba uta wapi, ba sala kanini, comportement na bango ezali nini, ba lia kanini, ba ngakolia nini, hobi na bango ezali nini, jamais. Mais le Rwanda le fait. C'est comme ça les Européens opèrent. C'est comme ça les Américains opèrent. Ti ndenge tozali koloba boye, ba pays wana nyonso bazali na intérêt na Congo, bazali ko analyser. Mais c'est Yombi azali nani? Monsieur Tel Azali Nani, Monsieur Gino Will Azali Nani, Fabio Koswani Kaseki, Kerwin Mayizo Seki, Odombo Seki, Mbanda Seki, Candido Keke Seki, Bazali Kotchan Barchiv Nabango. Est-ce que chez nous au Congo ça se passe? Tozali Komona Bexper Yalingala au Rwanda. Ba vidéo na biso ne tozo sala lingala, il y a des experts rwandais o ba yekola lingala bazali bazo bazo interpréter ba vidéo na biso. Est-ce qu'au Congo il y a des experts ya kina Rwanda? Bazali? Oyo lelo so yi Kagame lobby, James Kabarebe ba lobby, il y a des Congolais spécialisés na ba parti politique que non. Tel expert na kina Rwanda. Tel expert na politique rwandaise. Tel expert spécialisé dans ma politicien, spécialisé dans ma musicien rwandais, spécialisé dans ma théâtre rwandais, spécialisé dans ma taboui. Bazali? Personne. Kagame Ayebaki, Félix, très bien. Nathan Wayoui que Kabila pèse pouvoir et pas à Félix. Kagame a sera qui fête parce qu'il a dit Nzambe merci. Maintenant, nous avons un vrai idiot que je vais utiliser pour laver Babilo comme massacre dans la salle de la Congo. Félix, le président, à quelque chose, j'ai nué, t'es dans la mort, dans l'Est, il prend l'avion, il va au Rwanda, dans le musée, il y a Rwanda, à quelque chose, Akei ko sukula bango alobi bino boboma bisote. Batu oba kufa na Congo binote. Alongwe na Rwanda, ake na Uganda, ayemse Museveni, batu oba kufa na Congo binote. Mais Félix sait, ayebi très bien que les Rwanda et l'Uganda o azali ko lave, babunda na Congo, ya yi de mort. L'Ouganda et le Rwanda, Museveni et Kagame, basepeli. Parce qu'il y a un idiot maintenant. Il y a une marionnette. Tokoyiko tchaye, tout ce que nous voulons. Akolanda yangwa koloba. Est-ce que nakosi? Kagame dit Baboma na Kongote. Kabarebe dit James Kabarebe dit Baboma na Kongote. Est-ce que Félix n'a pas répété ce que Kagame dit? Est-ce que Félix n'a pas répété ce que James Kabarebe dit? Avant, Bofingangai avec raison. Est-ce que Nakosi, Félix n'a pas dit ce que Kagame dit? Maintenant, ils allaient responsabilité à Bissau Congo. Ils allaient responsabilité à Bissau Congolais. Alors, oui, par relation diplomatique, il faut être catalan, ce qui est Congo, ils ont continué à protéger l'ambassade de Haïti. Pour Nabiso Tolobinzambe, merci. Et Katanata Lelo, Tozan a besoin de te. On aura besoin du Rwanda après avoir passé l'étape à justice, étape à droit de l'homme, étape à vérité. Après, Tokota là, comment normaliser la relation Nabiso? Pour le moment, on n'en a pas besoin. Seul Félix. Et c'est Milouvo. Oyo a besoin à Kagame parce que Kagame va le protéger. Parce que président Oyo va voter yo na ba population na yo va voter yo. Président Oyo chouchou, bosali 37 ans en opposition. Congo nyo so simana yo. Congo nyo so simana bino. Bozui pouvoir, bozo banganini. Bozo banganini parce que population congolaise eza simana bino. Il faut protection au Rwanda, il faut laver les Rwandais, sinon les Rwandais sont à l'ongo de protection au Kwei. C'est qui osera qui voter, osera qui élite. C'est un pouvoir qui n'est pas basé sur le peuple. Il faut osera idiot, ça ne demande pas l'université pour comprendre ça. Parce que nous avons dit très bien que nous avons confiance dans la population, nous avons confiance dans la confiance, nous avons voté, nous avons commis président, je suis président. Je n'ai pas besoin d'un pays criminel et il faut protéger Ngaï. Bien au contraire, ensemble avec mon peuple, ton côté, mais là-bas, parce que bah, si ici, bah, plus de 12 millions exilés, tout un pays. Bon. Tolobanini. Tolobanini, exilés royaume. Exilés royaume. Ce qui est l'ingité, c'est la moukilina. Ce qui est l'ingité, nangamu peu kuna kombo nango Congo, kenye na Congo. Alors, donc, il y a un peu de biso à ta Congo, wana mususu ba yamba biso, parce que na Congo, na biso, na mabile, na biso, tozana la place. Mais faites attention, parce que ça n'a pas tout mususu na mboka wana, boyebi histoire ya mboka nate. Et si kabo wuta ba tout mususu to yebite, hein. Parce que beaucoup de bateaux aux côtés là, beaucoup parce que la migration en Afrique, on connaît. Nous enseignons la migration. On connaît migration et salamandingue en Afrique. Toyebi. Et bien, on se trouve au monde là, beaucoup lavé par massacre dans mon bon canabiso. Toyebi est allé comme Makila, Bouta na bango côté Moko, Bouta, Toyebi. Toya na makambo etali na rubaki na ume na teme ezo kene molai. Toki ya na makambo na etali Fayulu. Nazomona geger kuna avec un frère là, un jeune frère là, Mike Bukebai, que j'apprécie beaucoup. Mais, na ebite, qu'est-ce qu'il faut pour na batu oyo bazo benga bakter politique na mboka na biso? Na yebite ce qui bazali un esprit critique ya ba action na bango. Politique o ezali ko boma ko bebisa. À un certain moment, il faut ko abandonner yango. Changer de stratégie. Changer la façon de se comporter. Mais comme on a vu ce bâillon, ce bactère politique, bazaïna auto, nazo benga, copier-coller. Une politique copier-coller. Je pense qu'il y a une semaine, 2 semaines passées, j'avais parlé de Fayoulou. J'ai parlé au téléphone avec Fayoulou. Je lui ai dit que façon naïe. Ça ne me plaît pas. Et ils étaient appelés, mais façon naïe. Ça me donne des doutes. Parce que façon à y de mener cette politique, C'est les copies collées d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. À part danser. Étienne Tshisekedi Wamulumba ne dansait pas. Lui, Ayeko Bakissa, moi, danse Nakati. Et Zali m'a bêté. Oyobazo danseur, bon, Ezali Karabango, mais moi je dis, Ezali m'a bêté parce que les Africains, culture Nabiso, bah réaction Nabiso, Ming et Salamakana, bah danse. Moutouakoufi, Ozomona Moutou, Azo Denda, Azo Lela, Azo Bouger, Azo Lela. Bozana Fête, Essengo, Bato Bazo Lela. Je ne condamne pas ça. Parce que danse, Ezali m'a bêté. Mais cette politique d'Étienne Tshisekedi de Moulumba est une politique où il menait que rien que la famille de Tshisekedi de Moutouba, comment qui va tout y'a bon pour vivre bien. À part famille Tshisekedi, personne d'autre n'a eu de peste. Prendre des décisions comme si Ozali savant, même bas savant, auto yébi que bas savant. Les savants auto yébi na histoire y'a monde. Bazala qui toujours, Bazali toujours n'a pas conseillé. Mais yo Ozali savant, déjà certifié dans le monde Ozali savant. Pourquoi Ozali n'a pas conseillé? Parce que savant, même si Ozali savant n'a matière n'y a sauté. Même si Batoubazo Benga professeur, professeur Ozali spécialiste n'a matière n'y a sauté. Je suis professeur. Mais si vous avez dit que ça, vous avez dit droit constitutionnel. Ce qui est un limite, c'est que je suis malhonnête. Je peux donner mon point de vue, il y a une culture générale. Mais au Kenya fond, je ne le ferai jamais. Parce que ça une spécialité dans la réalité. De même, il y a un docteur. Docteur, il y a un soigné malade, il y a un sauté. Mais, Batouloko là-bas, Étienne Tshisekedi Wamulumba, matière, il y a un sauté. Il prend des décisions, il a une décision. Il faut que la décision. Au contraire des décisions, il y a un pandé, il y a un bengani. C'est la même politique. Fayoulou Azali Kolanda. Cette politique, il y a croire que vous êtes plus intelligent parce que Ozali leader, Ozali Nabatebele, Azali Kolanda, il y a des millions qui vous suivent. Et puis si vous êtes tout mangongi, au commis plus intelligent, au commis expert en matière nyonso. Et ça pousse à prendre des décisions unilatérales. Moutoumoua a contredire Yangote parce que Yonde est le cop Nangaï. Batoubalandakangaï, balandakabinote, donc, on commet des erreurs pour chercher à normaliser après. C'est comme Félix. Il signe des ordonnances, il viole la loi. Il viole la constitution et maintenant il faut régulariser parce que la bêtise, il y a président. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Le président, le leader, avant de prendre décision, consultez vos conseillers. Bon, la ligne qu'on soit décision en matière de droit. Wapi conseiller juridique, wapi bango boya, talay makanisinanga indengezali, bomoni indengeni, wapi implication, ba conséquence nini. La population d'Abisso. Non, président, décision Oyo, Ozu, Ezali, Malamou, mais Oyo, moment, il y a décision Oyo. Voilà les mots décision. Non, président, leader, décision Oyo, Ezali, Malamou, parce que le bâtiment que décision ça m'a bien, le président. Et pas d'Abisso, faut bonheur. Non, mais. Oui, président, décision Oyo, Ezali, Malamou, mais. Vive la loi Moussoussou. Ce qui t'a une décision, Oyo, t'as la conséquence en dernier rouillard. Le leader ne prend pas des décisions. Maintenant, pour la conseiller, pour collaborateur, devant un fait accompli, pour que ba lukasiko raison ba défendre yo même et l'autre place base il y a défense exacte il faut ba luka ba kosa sikoyo que le président a toujours raison, les leaders a toujours raison. C'est ça makamezo bomabiso. J'ai suivi ce jeune garçon Mike Mokebai qui dit Fayulu na tangwaye azalaki na payite, il fallait réunir ba collaborateurs na ye pour que ba pesa ye état de lieu situation de son. Et puis il y a pas pesa bango situation denga kendela ki kuna denga vivre ba contact azwaki et puis makanisi na ye sur ndenge nini ba kosala pona mikolo ezali koya. Mais moi, quand j'ai parlé avec Fayulu, ça ne marche pas avec vous. Fayulu m'a demandé, est-ce que professeur, vous pouvez citer quelques points où ils ont marché. Je lui ai dit, par exemple, la communication. Ezali malamute, bozali ko kende na lancer ya mensonge pe. Bozali ko lité contre mensonge ya Félix, mais vous aussi, on remarque, moi je remarque, dans la Mouka ou bien dans Fayulu, il y a aussi équipe ya mensonge. Fayulu m'a cité le nom de Mike Mokebai, que non, Nazali n'a pas ta communication comme Mike Mokebai, Maître Mayengele, si c'est Mayengele, comme ça il m'a cité. Alors, je lui ai dit, ce qui bazali ba ta communication, il faut ba revoir façon ya communication. Ce n'est pas comme ça. Bozali na copie-coller, il y a eu deux pèses de tien tout ce qui est pour Moulumba. Ce n'est pas comme ça. Bokoy ko lité mensonge na mensonge té. Bokoy ko lité foutaise na foutaise té. Bokoy ko lité ba idiot na idiocité. Martin Fayulu, ton discrita qui a des choses que n'a pas eu koloba. Il m'a dit, en tout cas, prof, je prends bonne note. Et quoi mande yango. Na yebi sa ki li kamba tribalisme, ou bazali kwa kize ye ki, ye bazali tribaliste. Je lui ai dit ça. Il m'a dit, en tout cas, je ne me sens pas tribaliste, parce que so tali autour nangai, bate ba province msusu bazali ebele, comme Mike Mokebai. A Ebisingaye, moutou ya communication na ye, ya une dame comme ça, elle n'est pas de Bandundu, elle est de Kasai. A Tangelinga pa kombo ya cercle na ye, oyo bazali batu ya Bandundu te. On a fait au moins une heure avec Fayulu na téléphone. Chaque fois, oto zali ko solola na ye. Bien qu'à la suite, il y a eu des propositions, moi je dis non, moi je suis un Congolais libre, na lingi ko kota, pour le moment, na lingi ko kota na formation politique mon côté, na parti politique mon côté. Parce que je suis libre, je ne veux pas que na kota na groupe politique mon côté, pour que ba dicte ngayi makambu ya koloba. Ba ya ko tchana moutou na ngayi, ba komi sanga marionnette. Avant de parler, il faut consulter. Il ne faut pas parler comme ça. Ce n'est pas Yombi qui marche comme ça. Ngai même bomoni que na koma président, il y a organisation internationale. J'ai travaillé en solo. Makamba ONG na Corée na boyakango parce que j'ai travaillé d'abord na ba ONG. Au Balingi parcours Nangai, je serai dans quelques heures, Madame Espérance Motoku, je pense, qui m'a invité pour la première fois. Na Corée, ma télévision, Bélé, Babenga, pour ma caméra, mais pour la première fois, na yoka un Congolais, une Congolaise m'invite, prof, na lingo ya kolobe la biographie na yo. CV, ya prof Yombi, na kolobe nango avec Espérance Motoku, aujourd'hui, à 20h, heure de Berlin. Les Européens, les Américains, Asiatique, parce que ce que moni mouton a zali intéressant, bato bali koye ba biographie na ye, CV na ye. Comment est-ce que vous êtes arrivé là? Ça c'est fait. Et pas na biso so meki koloba ozo la ksanine. Ozo te vanté trop, qui parle trop de toi. Oh, mais parler de toi ce qui est un modèle. Ezali bien pour na bana na biso, pour na ba génération na biso, ba landa modèle wana. Ça c'est fait. Ba pays développé ba sala biloko wana. Mutu wana koma boyendeni, ba biloko ba Samsung. Samsung ba bandai ko tambula ba école, ba ndako, ba bureau, ba ONG. Pour a expliquer na mombongo na ye muke azala ki nango ba centime na Japon, comment est-ce que ye okoma Samsung mokili mobimba? Samsung ba bandai ko tambula. Kolobela, ba to bazola l'exemple na ye. Tout le monde a Jack Ma, les Chinois, millionnaire chinois. Jack Ma explique CV naïe, comment est-ce qu'il y a comment bongo? Et ils allaient très capital pour Namboka. Pour Nabana, la génération Nabiso. Bah, Américain, bah, ça, là, Bill Gates le faisait. Mais ceux comme un Congolais, alors, sur le parcours, naïe, tu parles trop de toi. Oh. Bino, vous allez, bah, malade, vous allez battre. Donc, na kamwe na moni cette dame m'invite na tournier pour na sijeni. Abi papa na moni ke il faut ya kolobela CV na yo. Wow, na yo ka kunante. Merci à elle, je serai là. Donc je disais que Fayulu ngai na lingo kota na parti politique mongote. Donc na lingi dictate ba dicte ngai. Je suis un citoyen libre. Mais, Natango ozongi outi poto, si ce que Mokeba il dit est vrai, mais réunir Bekit na yo, vous discutez, ne prenez pas de décision comme ça, comme Etienne Tshisekedi. Fayulu n'est pas expert en communication. Fayulu n'est pas expert en mobilisation. Fayulu n'est pas expert peut-être dans ma point de vue politique. Fayulu a fait ma science économique. Mais Natango yé olinko zoa, parce que ce qui engage beaucoup plus Fayulu, na moment où c'est politique. Alors, Natango zongi na voyage. Benga ba partenaire na yo, discuter que je vais prendre telle décision, bon moni ndengeni. Olie ozoa yo moko, na camarade na yo Mozito. Vous, et d'ailleurs, moi je dis, Mozito na côté ya Fayulu, ça me dérange. Parce que Mozito n'est pas un modèle politique dans Mboka na biso. Moi, modèle moké économique parce qu'il a stabilisé l'économie, le devise dans Mboka na biso. Mais le reste, détournement, Moulukuta, népotisme, qui Mozito n'est pas un modèle. Alors, ce que j'ai dit dans Fayulu, écoutez, ce qui est bon, le changement, aux alligènes, aux huit étoiles, peuple, balingi, balingi, confiance, c'est dit. Ce qui est réellement le politique, il y a malam. Ce qui est réellement le changement, faites attention à ces dinosaures, parce qu'il y a Kalanios au Oyo. Les gens comme des Mozito, ceux qui par exemple au Lingi, aux Alanaye, ce n'est pas publiquement comme ça. A quoi qu'on peut sûrement conseiller dans mon Sika. Et Zalite Azalamutumoko, dirigeant Yalamoka, Mozito. Mozito n'a jamais chômé. Depuis son oncle est revenu, Yaxil Zenga est revenu. Mozito a travaillé toujours, Mozito premier ministre, Mozito ceci. Alors, il quitte Kabila. Automatiquement, il y a une opposition poste dans la Mouka, dirigeant dans la Mouka. Papa, bato nyoso vraiment basali na mboka autour na yo. Déjà comme de Mike Mokebay, déjà comme de Nico Mayelenge, si c'est Mayelenge. Batouana bakoyiko sala musalate. Kaka batulokola ba Mozito. Kaka batulokola, c'est lui qui l'a nommé, ce qui est chargé. Il y a les chargés là qui viennent de nommer là. Mais les gars là, ils s'appellent comment? Aidez-moi les amis. Fayoulou vient de nommer quelqu'un tout de suite là. Yamoupe Mike Mokeba Yatombo qui pona Moutouana. Il s'appelle comment? Kombonaye Bossani. Un dinosaure là, Nayeba qui est pas à Kabila, Karamingi te Aoudala qui est ministre, Karamingi te Namonie Ayena et pas à Félix. Mais Karamingi te Nayuka a commis sous Nanamouka. Mais Batouana, monsieur Fayoulou, Bazali Batokoi Kotia Libosote na front. Parce que Lisanga Bonganga, merci beaucoup, cher ami Pasco. Merci, Pasco. Jean-Paul, merci. Mais c'est Lisanga Bonganga. Est-ce que Zali Nganga pe? Parce que Kombo pe Nandaka, vidi et petit vide. Ministre a fait éteigne pe mémoire éteigne. Félix Boudia, Boudia, parce que figure n'est pas, on dirait Nganga. Est-ce que vraiment il n'y a personne à la Mouka? Tous ces jeunes qui se poumonnent. Les jeunes frères là, si c'est Nico Mayelenge, il est maître. Je pense qu'ils ont l'habitude de Moussoussou, on a l'habitude standard. C'est-à-dire que Moutouana a coquille Kosala n'a pas poste belé. Facilité Kosala. Moutassali sciences politiques. Moutassali droit. Batouana Bazali ba standard a coquille Kosala n'a pas place belé. Il n'y a personne vraiment pour la Moutou a dirigé. Étape Oyo, Monique Ezali Christian, Ezali Kaka, Lissanga Bonganga. Parce que Lissanga Bonganga n'a jamais chômé à Zanga position. Il a été avec Kabila. Et pas Kabila, qu'on est baby, aïe, et pas Félix. Et pas Félix, ma pessie poste, c'était à Longwe, aïe, Nanamouka. N'est-ce no yebi ke lobby a koya, peut-être Lissanga Bonganga, lobby pour moi, na prof Yombi Vision. Ah oui, parce qu'il est comme une partie politique. Une personne instable. N'a pas responsabilité naïe, instable. Donc, c'est pour dire, mes chers frères et sœurs, que na Congo, tozali na libabe. Ces gens ici, bozo, on a que des politiciens, bazali, ba politiciens, te bazali, juste, ba charlatan politique. Ce sont des charlatans. Parce qu'au fait, tout le monde a la vérité. Parce que Nayoki, non, Kolobela Moutouana, c'est parce que Moutouana a affaiblir. Non, il faut affaiblir, il faut affaiblir, Bango. Il faut casser ces histoires-là. Kolobela Yete, parce que Solobeli a fait. La résistance ne se résume pas à Fayoulou. La résistance a existé avant Fayoulou. La résistance n'est pas Fayoulou. Alors, quand vous dites Fayoulou est un politicien, moi je ne vois pas la politique chez Fayoulou. Fayoulou, rester dans la Conférence nationale souveraine ne vous donne pas les crédits d'être politicien. Qu'on participe parce que tu y as une Conférence nationale souveraine, vous recrutez Batou. Mbongo na yo, ce qui est Zali, Zali le cola Bindo. Bindo, bingo, bingo, paye mi wana kala, ya mobutu à Salaka. Conférence nationale souveraine aurait recruté des gens comme ça. Moi, Nazaraki n'a bon côté. Bon, moi, monsieur Elombe, écoutez, je vais vous dire des choses. Elombe, au théâtre. Elombe, au théâtre, c'est mon frère, c'est mon grand frère. Grand frère biologique, Boyété, mais grand frère, même village. Et l'ombé au théâtre Bomonaka, Faustin Soukari Loubakwa, c'est mon grand frère. Mais ce Botali, ce qui n'a pas été Bomonaka, et l'ombé, c'est mon grand frère. N'a pas besoin de critiquer la conférence nationale souveraine. N'a pas d'étudiants. À cette époque, Elombe a zraki na ina. Elombe m'a consulté pour que, loukwa moi quelque chose, à corrompre, à la conférence nationale souveraine. Et roi nanga mobola, mbongo ziwapi. N'a pas patron nanga madofolo. Cause la conférence nationale souveraine et commission politicienne. Ok. Voilà. Et kataki dans YouTube. Hein? Voilà. Donc, cause la participer à la conférence nationale souveraine et so sa yo capacité à cause de la politicienne. Cause la pembeni et tient ce que tu as commission politicienne. Parce que d'abord, et tient ce que tu as dit, tu as dit, on croyait qu'il formait des politiciens et pourtant, on formait des politiciens. Il formait batu oyo pour protéger. Kwanga na ye na bana na ye na famille na ye. Natango akufi, mwana bendana, sala kop na yo. Na model, ye tient sekere wa mulumba. Ya mwana bazo sala. Ba fayulu wa sali kop na ye, model ya tient sekere wa mulumba, a mobiliza ka batu, ba yambaka ye, ba landaka ye. Par la suite, batu batoki, ba lembi, makolo pas, otambulaka. Ake, a lobeli banga, lobeli bango, bozong anandak, bazong inandak, bola la ponga babebe. Des gens comme des Fayoulou, il faut qu'on paye ça exemple. Ceux qui ont yé, boyo que la peuple oyo mawa. Boyo que la peuple oyo mawa, pardon. Cause la leader est que Ozana responsabilité pour la décision yoso. Leader a zoraba décision yé mongoti. Leader a zoraba décision consulté. Les leaders n'imposent pas des décisions, mais ils discutent ces décisions. Avant décision est à la publique, il faut qu'on discute nango na ba collaborateur nayo. Alors, ce que je demande à Batumsusu Oyolokola Niko Mayelenge, à Batumsusu Wana, ne vous plongez pas dans ces histoires de délits de peste Yako Finga Rabatu. Lutte de peste, parce que l'argument est athée. Si ce que Mike Mukeba dit est vrai, pourquoi l'insulter? Pourquoi l'insulter? Parce que quand même, Ezalinde Fayoulou, na mouzito bato ba insulté, yen na bato mouzito bazali lézé. Parce qu'au fait, bato bazali kolité, on voit Mike Mukeba, on voyait ce type-là, à tout moment, ba prison, à tout moment, ko yamba ko mobilisé bato. Mais quand même, ce qui bon dit qu'on se partage ba kwanga, parce que bozali binyo nyo so bato ya kwanga, ce qui bon dit qu'on se partage ba kwanga, il faut que tala qui fait quoi? Bato balité, balité, balité, balité, on néglige bango, era qu'on nomme, ou yé qu'on nomme, ba parveni. C'est comme Félix. Bato balité, pour na IDPS, babundi, bakoufi, bakoufi, bakoufi, la batou. Tango kwange yé, Félix a nommé nan, ba camarade na yé, ba chekola. Bato IDPS, est-ce qu'a nommé bango? Mais ça là, azopé sa batou moussous, bambongo, ba projet. Azo pesa ba Libanais. Est-ce qu'a pesi ba commerçant ya IDPS? Non, à un certain moment, cette politique doit changer. Et ça n'est en réalité politique. T'es. Donc, na tozo se na matunion so ba supporta Fayoulou. Je sais que Fayoulou azali na kote ko solana batu azali gentil. Ce qui a Monique Rosolanaye Makambalamo, il prend toujours son téléphone. Azali orgueillé était que Rosolanan conseiller Nangaro Ebisangai. Lui prend le téléphone. Ce qui peut aller au Bengayo, il appelle. Et Azali a en réalité, Batumusu va témoigner au Nayebi que non, Fayoulou m'a appelé. Fayoulou m'a appelé. Oui, c'est bien. Mais. Fayoulou ko benga ozo benga batu, ko solo la ba conseil ozo na biso, ezalite ke to peso conseil obwa kango na poubeye. Ba conseil na biso il faut landa yango. Ce que on landi yango te, vous allez mourir comme Étienne Tshisekedi. Bien sûr, famille na yo ba kozala bien, otika ba bango bien. Mais on fait réputation moko ya mabe. Parce que zaka ka ba bête, o ba ko lo balelo que Étienne Tshisekedi a apporté quelque chose dans notre pays. Nga na mona yango te. Père de la démocratie, ou on a beaucoup de démocratie, on a raté. Père de la démocratie, ou on a parti politique, n'a signé la démocratie, mon côté. Père de la démocratie, on a bon mot. Père de la démocratie, on a bon mot. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, yo le Belgamin était tu sais que la démocratie, yo signe la démocratie aux Allemands. Il y a une organisation internationale où on a Zalaki président. Na bandai kuna loko la conseiller. Ba nommé nga loko la conseiller. Ils m'ont consulté, conseiller. Na sali conseiller pendant 3 ans. Na le Belgamin avec Madame Espérance. Dans le conseiller, ba yeko nommé ngai, ba yeko voté ngai vice président sous régional. Dans le vice-président sous-régional, il va voter vice-président de l'organisation internationale Mobimba. Dans le vice-président, il va voter président. Mais qu'est-ce que je fais dans l'état pour la Nyonso? Parce que Ngaï, dans un background, il va réfugié. Au départ, j'étais réfugié. Et pour Nanga, il y a un peu de même dans la Corée, partout en Asie, l'île Nanga et Bandaki, ONG, où ils ont travaillé pour les réfugiés, il faut. Cercle à ma décision, réfugié, il faut Azala. Vous voyez mes slogans. Oui, bah, il y a un réfugié. Nothing for us without us. Et l'autre, mon côté, pour la biso sans biso. Slogan, on est comme Yaoni. Vous voyez mes sources, non? Dans l'idée, dans l'Asie, organisation, mon côté, à réfugié, oyo ngai na koyi ko appuyer même na oni soki réfugié na kati ya zate organisation ba komai ko engager ba réfugié na lité na bi ko engager ba onte ba kombola ka biro na bino bo engager bango na staff ya direct ya directoire voilà lit ba to er ba tuna ka ngai mais na ziku na commerce ba te bele ba na tunanga mutu mwindo za afrique mais oyo koma président ya organisme oyo ya azina océanique comment. Mais ça va mon lit kaka oyo. Ce qui vous allez qu'on travaille pour na réfugié, il faut qu'on tcha ba réfugié na kati. Exacte que ba réfugié ba za ba to moko vandi comme si ba tangate, bino boki na ko lobela bango na Congo na bango et pourtant bango moko bazali. Voilà, et loko bomoni na HR na Genève, to zali na concile ya ba Gene. Voilà ba hôtel. J'ai posé ces problèmes en 2012. Na HR, na consultation. Mais comment est-ce que ba ONG ba Zoya a parlé au nom des réfugiés? Tout ce monde a ba réfugié en côté, comme si ba réfugié ba tangate, comme si ba réfugié ba yebiko lobate. Réponse na Zoya Tourouana est impossible. 2013 na ye, na influencé ba tounion sur ba commission. Il faut parler de ça. Malé, mais na 2014. Commission ya ba jeune ya ba réfugié na affaire ba créer yango et pour me remplacer na yeba ki Québec mandat na ngaye ezali ya président ezali 2 ans renouvelable une fois après 4 ans na bozala sauté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé un réfugié, un jeune syrien qui est réfugié en Australie. Bandeko congolais ba réfugié bazana Australie. Bayebi est très bien. Je l'ai préparé. À partir de Australie, Bayebi si na bandeko sala tout, il faut zwa ticket ko ya na Genève. Allié na zo tché na ba commission nyonso. Ba réunion na biso na zo bengisa ya zoya. Ti allié au comme président ya youth na HR. Ko chéger pe na HR er ba zo zwa décision na monde sur les réfugiés, il est là. Et er na ye ko longa na Bayebi si pose ta candidature. A posé candidature, Lelo arrache Azali, président de l'organisation. Quel plaisir! Arrache on a Kenda et Sikatea Loba sans pour remercier Monsieur Yombi, à Kochangai. Maman a été dans un aéroport, il y a Sydney, en Australie. Quel Oyamba, papa, tu as façonné mon fils. Et pourtant, elle n'a pas dit qu'il y a un peu comme le col à Zo Lemba, Zo Kokate, Nazo Kokate, Mamikolo Baleki, Baza Mikolo, Rabite, et ça pour Mikolo, t'es bien intelligent. Au Rosal, c'est possible. Lelo n'a bimi dans l'organisation avec plaisir. Voilà un leader, Nazar démocrate. Alors, comparez avec Etienne Tshisekedi de Wamulumba. Etienne Tshisekedi de Wamulumba a préparé qui? Donc, bon mot, ba politicien na biso, bazali po na biso te. Bazali po na mabumu na bango. Parce que, oyo bazo sala, ezali po na peuple te. Ce que lingi peuple, peuple ba lingi makambo ezo lekeza malamu te. Ba lingi changement. Mais yo ye, o changement ngam na royan ango. Ba pesi yo confiance. Ça la changement. Mais pouvoir ango ozui na onte. Ba décision ozo zoa unilatéral. Sans consulter personne. Madame Ezali, que ce politicien, il y a population, il y a peuple, il y a une chance ou un athée. Est-ce qu'il y a une chance ou un athée? Il y a un temps là. Tout, il y a une éducation dans le monde, il y a un mot. Voilà comment. Il faut qu'on manipule ba onko nyoko la bango. Mais comme na uti koloba er moko il faut kozala na mawa. Er moko il faut kozala na mawa ba nyoko mi mingi. Siko bomoni de babandi dialogue. Donc c'est un pays qui vit qui survit na ba dialogue. Et bomona e ba okena na ba dialogue na bango gouvernement d'union nationale. Et la carte du gouvernement union nationale pour la banane, ce sont des lisanga bonganga bakoya, ce sont de familles Tshisekedi bakoya, batwa batu bakoya, batwa kengo batu bakoya, batwa bakamita batu bakoya, batwa babemba batu bakoya. C'est comme si mboka oyo peuple bana oyo bazali kotanga na souffrance, bazali na droit mokote pour que lelo ba jouir na mboka na biso. Vous avez beaucoup exploité notre peuple. À un moment donné, maîtrisez-vous au sali, au pénima moqué, au revoir ma formation. Balire Nabiso, il y a un leader à cause de la formation. Est-ce que Fayoulou a eu formation d'être un leader? Parce que Banda, présidence Naye, c'est venu comme un accident. Vous voyez bien. Présidence y a Fayoulou, c'était un accident. Comme je l'ai dit hier ou avant-hier, Félix, c'est un accident politique de notre pays. Présidence à Fayoulou, il y a un accident. Avant Genève, Moutoumoukou a dit que Fayoulou a été propulsé. Moutoumoukou a dit même lui-même, Fayoulou ne le savait pas. Mais arrivé à Genève pour une idiotie à Félix, voilà comment est-ce que le nom de Fayoulou a eu courage à poser. Combo naye bien que nakata Genève ba yeba que Fayoulou avec son icide bazali capable de te ya kozala eli même na bakongo ya pamba. Mais congolais alobi oui azali mwana mboka azali mayele to chaye mabo combien bado ba Fayoulou akokate na icide na yena naye bien. Mais tout le monde ensemble nous avons dit toko chaye maboko même ayeba ni te toko pousser ayeba na. Donc c'est un accident. Fayoulou n'a jamais eu une formation d'être leader politique. Voilà des décisions par dérapage. Ceux qui ont tant économie, si vous avez été à la conférence nationale souveraine, cela ne donne pas une connaissance générale à Makamounioso. Bah conseiller, bah ça est très important. Oje siko Congolais azela nani. Azela kaka Yesu Masiya ye moko. Aya ko sa parti politique. Ou bien, il faut qu'on paie sa confiance na ba charlatan oyo. Ba soldat na bino. Bozali kwa faiblir bango. To yebi ke zali manjo na bino. To yebi. Mais quand même, botika bakongole basepelaka tak bongo ka to sepela na biso kaka ba politiciens ba kosa ka biso to sepelaka mais quand même mabe ya makasi ko ete dialogue dialogue bozulu ka dialogue yani tantôt il reconnaît Félix tantôt il ne reconnaît pas Félix. Tantôt il dit on va les destituer. On destitue quelqu'un que tu ne reconnais pas comme président. Donc, souvent, on ne va pas destituer. C'est que vous reconnaissez qu'il est président. Est-ce qu'on peut dire de destituer Yomi? Parce qu'il n'a pas président. Alors, est-ce qu'on doit repousser Yo le bakito destituer Yomi? Alors, bino le bakito destituer, c'est qu'il est déjà président. Alors, tout le monde. Et moi, je pense que pour qu'on lutte très bien contre Félix, il faut faire très attention à ma camba tribalisme. Autour, il y a Talamalam. Les collaborateurs directs. Oh, my God. Le monsieur ici me dérange. Hein? Oh. Le monsieur, il me dérange. Voilà. Donc, ma collaborateur na yo direct, bas à la penza ba ta province na yo de. Parce que tozali ko vivre, tozali ba victime tribalisme maintenant avec Félix. Alors, pour ne pas donner la matière na ba ta Félix ba attaquer Bino, sans l'attention na ba collaborateur direct na yo. Parce que quand tu trouves quelqu'un, par exemple, comme Mozito, mais dans l'équipe, ils ont la capacité. Loko la Mozito, Luka Bango tcha moko, Nakasai Bazali, Luka Bango tcha Bango. Alors, ce qui est proche na yo mingi, Bazali baka province na yo, Ezali népotisme peut aux années qu'on combattre. Excusez-moi. Donc, moi, à la place de Fayoulou, n'a pas la prédent dans ma cabognose. Parce que tableau de bord n'a pas Kozala, comment est-ce que quelqu'un qui sait que Omulumba a marché? Parce qu'il y a un modèle. Comment est-ce que Félix marche? Comment est-ce que Kabila a marché? Eh bien, Rerouananionso, n'a pas tamboula concerne sur base, il y a rétrovisé Nanganazanango, tableau de bord, Wana ya Batouana. Non, Félix fait ceci. N'a pas la boyété. Soit n'a sali boyé, bah, qu'on tient un même sac, n'a Félix. Kabila fait ceci. Nga na la boyété. Soyez na sali boye na ozala sak mokona Kabila. Etienne Tshisekedi a roulé le peuple comme ça. Soyez na continué boye. Peuple a otchanga sak mokona Etienne Tshisekedi. Voilà. Voilà. Alors, mboka na biso ezali ya koloka ou bien ezali ndenge nini? Nani a relevé la Congolais? Nani? Alors, donc, c'est ce qu'on avait à dire aujourd'hui. On va nous promettre et souhaiter. Parce que, bah, tout le monde a dit, Félix a promis à Ming à réaliser. Il a posé promettre Ming le lot à Oum et la Ming, mais aux autres dépassaient toujours Iner. Je m'excuse pour aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas Iner, je ne vais pas promettre qu'ils n'ont pas me pousser. Bon, excusez-moi. Bon, moi, mon limo ya ba leader na biso ndenge zo zo biso pe. Excusez-moi. Je pense que toko sili sa wana pona lelo. Pona ko résumer, to répondre na réaction ya Kagame. Kagame a lobi clair, c'est que Kagame a pesa ki a lobaki a yebisa ki Félix, c'est ce que Kagame répète. Ba Rwandais, ba Bomité, ba Congolais, de ba Bazali, ko boma ba Congolais. Kagame s'étonne à mon Kodeko rebelle, ba rebelle Congolais, ba kota na Bunia na Moi. Félix apesi bango, ba camion ya armée, ba zong sa bango na Zamba. Même Kagame, le Satan, zo kamwa. Moni Satan a kamwe. Bota la degré, ya Félix, na Satan. Mokonzi na ye, Satan Kagame a kamwe ke, ce qui réellement, na Congo, ils na leadership, comment ba rebelle ya Kodeko ba kota na Bunia na Moi ba yepe ba sololi masolo esili bale bapesi bango biloko ya kolia bale basilisi Félix apesi bango ba camion bazongisa bango na bazamba donc bazongisa bango bakende kokontinue koboma bakongolais et pourtant bayebi ke bato bazoboma bakongolais bango yeyo baye na Satan Kagame Lucifer akamwe alors botala siko niveau Félix akomi soka kombo kamusa na Satan ye moko. Donc, ba Congolais bozé la rien et pas ya Félix. Bozé la eloko mokote. Je vous l'ai dit, l'eloko noté. Bozé la eloko te et pas ya Félix. Il ne fera rien. Et ngana lo bakayango, Félix ndenge na yebelié. Eza la Kabila lelo azate to kangi Kabila. Eza la opposition ezate no ba Fayulu nyoso to kangi bango binoko. Félix a kosale eloko te. Ce qui est tembe, bola qui sanga quelque chose au Félix, il y a commis à innover. Décision naïe, plan naïe. Oyo Félix, il y a concevoir. Bola qui sanga ta bout de papier de mot. Félix, c'est un bon à rien. Et le côté. Donc, Azali créature, kaka créature, il y a. Donc Satan aye akitisi na ye na mokili aponi pe bakitsa ye pe na Congo donc abotami bache na Congo baki donc azali mutu en réalité c'est une personne qui devrait rester parce que toza pe na besoin ya la population mutu nyo za na tina na famille za la kizengi toza na tina na ye parce que kizengi pe er moko même a era vani moyibi ale quelque part mukizengi akoyiko sinale ta moyibi moyibi azoleka mais Félix aza mutu oyo il faut vanda ale alali qui a sali bajé ya ordinateur ou bien a ke komela masanga a ye ko zonga pongi lobe a ramoki mukolo na mukolo Félix aza mutu te bo koyiko tia bo tia espoir ke no mutu oyo a koyiko innove eloko a koyiko sali eloko rien ni tout bato a ndengona na ba famille bazali boyebi yango yango ba monaka mindele ba neglijaka ba handicapé na bango te parce que azali pe na ba droit na ye en tant que humain azali na ba droit na ye mais il y a des humains o bazali bon na rien et l'autre côté akoyi ko sala rien na mukili donc bakitisa ye kaka c'est des gens comme Félix et na lobaka ngo Félix soki azali esika azali soki na kosi bo contredire nga ni tete kombo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba nani akoyi ko ndima ke Félix akoyi ko zala même kapita école. Voilà. Na ti gimme na question wana. Mbala sima to continue. Nani akoyi ko ndima ke ni tete Félix ko bota na famille Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ni tete likambo wana ya famille Etienne Tshisekedi. Félix akoyi ko zala vraiment akoyi ko pensa akoyi ko zala même surveiller école ba o ba sifla kana récréation ba sifle bana bakota. Donc to kutani mbala sima pour to continuer yango. Merci beaucoup. Suivez-moi avec madame Espérance Mutuku, CV ya prof Yombi boyoka béton. Merci beaucoup et au revoir. Allez, bye.